Junkie. Aerie fort, Dobbs. Efficacité. 2013. SENS. 89. Ça fait. Ma peine à deux visages, un triste et l'autre ravageur. Ouais, ouais. Pas pour ça que je fais du rap, non, c'est une affaire personnelle. Ma gueule, c'est pas pour faire des thunes que j'ai craché mon récital. Moi, je pose mes écrits bruts, la haine m'a pris et la douleur m'a saillé. S'il fallait les mots de la sagesse, ne comptez pas sur moi. L'esprit a brûlé dans mon âme, perché dans le royaume des morts. Si à chaque fois ça bête, c'est la colère de ceux qui broient du noir. Ceux qui, dans l'adversité, la défaite s'appliquent sur leur sort. Et quand j'ouvre les yeux, je vois tout ça, je me demande où va le monde, pas sur le bon chemin, mais sûrement dans la merde. Et quand certains se noient dans le vide, d'autres la poids. Sinon, moi, je suis armé d'un pic et comme Rifa, je rêve d'un joli monde. C'est gore. Mais la pire, pense à tous ces enfants martyrs. On va pas développer le sujet, plutôt clôturer le chapitre. Ça part à quelques kilomètres de la banlieue magique. Ma peine, je la noie dans l'alcool et les écrits métagiques. Tu l'auras et vois-tu la colombe dans ce ciel gris. Dans ce ciel gris, mais la roue tournera. Sinon, l'effet des bombes sera ressenti. Sera ressenti. À trop de soucis, de tracas. Il est peut-être temps de se repentir. Se repentir. Et c'est l'équipe au max. Rifa et Dab, fais gaffe, les loups sont sortis. Les loups sont sortis. Si tu vois monsieur prier, c'est que l'inspi sera meurtrière. Encore meilleur qu'hier. Préviens les rappeurs qu'ils fassent leur prière. C'est pas une fois là-haut qu'il faut penser à ce que t'aurais dû faire. Nous on vit comme des clébards, donc t'étonnes pas qu'on ait du flair. Alors je dépose des fleurs sur les tombes des proches partis trop tôt. Pour eux j'ai la force d'avancer, mais trop souvent je patine poteau. Des fois je me pète le crâne à la binouze, vodka ou whisky avec mes frères. Si y'a un mic et la prod part, oui je raconte pas de salade. 2012 on passe à l'accès. Dab, Zeri et Fa, s'il faut du lourd, t'inquiète, on sera là et on slalome. Entre le bien et le mal, non ça change pas. On m'a dit avant, s'accroche-toi, mes frères, la vie mais décroche pas. Et la chance décroche pas quand on l'appelle. Putain, c'est quoi cette garce? Besoin de matière grasse, tu peux miser au max, c'est la pertasse. Les loups sont de sortie, on a la dalle. Demande à Mista, on débarque au max, on veut nos parts et hasta la vista. Mais ressens-tu l'orage et vois-tu la colombe dans ce ciel gris? Dans ce ciel gris, mais la roue tournera. Sinon, l'effet des bombes sera ressenti. Sera ressenti. À trop de soucis, de tracas. Il est peut-être temps de se repentir. Se repentir. Mais c'est l'équipe au max. Rifa et Dab, fais gaffe, les loups sont sortis. Les loups sont sortis.